Section 54 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Sixtine B. La Lecture, tome 7e, section 54, Marceau et Angélique des Méliers, par Hippolyte Maz. Général de division à 23 ans, novembre 1793, Marceau avait été chargé d'un important commandement en Vendée, puis subordonné à des incapables, à l'Échelle puis à Rossignol. Il n'avait pu qu'atténuer les désastreuses conséquences des échecs de Laval et d'Entrain. Appelé, grâce à Kléber, au commandement en chef par intérim, il révéla les qualités les plus brillantes. Les premières lettres de Marceau, général en chef par intérim, au ministre de la guerre se ressentent, à coup sûr, de son âge, mais elle dénote en même temps un profond sentiment du devoir et des qualités remarquables. Il prend toutes les précautions nécessaires pour empêcher les Vendéens de passer la Loire, fait couper les ponts, couvre Saumur, Tours et Blois par des retranchements, répartit ses forces en 4 colonnes dont la tâche est nettement précisée et la marche bien éclairée, il organise un système de guerre où la prévoyance a autant de part que la force. Dans ce système, la cavalerie agit sans cesse, tandis que l'infanterie est en observation pour la secourir. Son langage est élevé, ferme, patriotique. « Compte, dit-il au ministre, sur mon zèle et mon vif amour pour la République, et sois assuré que je n'omettrai aucune des occasions qui pourraient assurer le succès de nos armes. » En outre, le jeune général en chef réclama sans cesse, avec grand profit pour lui et pour la République, les avis, les conseils de Kléber. Il était fier de l'avoir en ami. Il ne lui reprochait que sa timidité. Il ne cessa de le considérer comme un des meilleurs généraux possibles. De son côté, Kléber avait une entière confiance dans son collègue. « J'étais certain, écrivait-il, que Marceau n'entreprendrait rien sans s'être concerté avec moi. Il était jeune, plein d'intelligence, d'audace. Plus froid que lui, j'étais là pour le contenir. Nous prîmes l'engagement de ne point nous quitter jusqu'à ce que nous eussions ramené la victoire sous nos drapeaux. Cependant, les Vendéens étaient entrés au Mans presque sans coup férir. Westermann voulut les en chasser. Il commit la faute d'ordonner une attaque de nuit. Marceau, qui hésitait à le secourir, se laissa entraîner. Tous deux firent irruption dans la ville et, malgré le feu terrible qui partait des maisons, ils parvinrent à refouler sur la grande place la majeure partie de leurs adversaires. Marceau fit couper toutes les rues adjacentes et braquer sur les Vendéens les canons qu'il venait de leur prendre. Toutefois, sa propre position devenait inquiétante. Engagé, au milieu de la nuit, par un temps affreux, dans une ville qu'il connaissait mal, il risquait d'être lui-même tourné, enveloppé. Il prévint les représentants et Kléber du danger qu'il courait. À 2 heures du matin, prieurs de la Marne et Bourbotte lui répondirent. « Nous recevons ta lettre sur la route. La troupe marche à grands pas pour te porter du secours. Tiens ferme et nous sommes à toi. » Dès minuit, Kléber avait répondu à l'appel de son ami. Il avait dit à Savary « Marceau est jeune, il a fait une sottise. Il est bon qu'il la sente, mais il faut se hâter de le tirer de là. » Il fit 10 lieues en quelques heures, atteignit Le Mans à la pointe du jour, prévint Marceau, releva les postes occupés par les soldats de Tilly exténués de fatigue après la lutte de la veille, et ordonna une charge à la baïonnette à travers les rues. Un grand nombre de Vendéens avaient déjà pris la fuite. Les autres évacuent les maisons, jettent leurs armes, se précipitent sur la route de Laval, ne font que traverser cette ville et vont jusqu'à Château-Gontier, quelques-uns jusqu'à Ancenis. Westermann, avec sa cavalerie et l'infanterie légère, les charge, les poursuit pendant 8 ou 10 lieues. 11 pièces de canon, les caissons, les bagages de l'ennemi restent en notre pouvoir. On lit dans le rapport des délégués de la Convention au Comité du Salut Public « Voilà la plus belle journée que nous ayons eue depuis 10 mois que nous combattons ces brigands. Le triomphe de nos armes a été complet. » Les représentants du peuple n'étaient pas moins fondés à louer, comme ils le firent, les qualités de nos généraux que la valeur et la constance de nos soldats qui marchaient pieds nus en décembre. Un affreux massacre, et selon l'expression même du vainqueur, une boucherie épouvantable vinrent attrister ce succès. Si bien des traits de générosité honorèrent les vainqueurs, le nombre des victimes innocentes fut trop grand. De concert avec Kléber, Marceau fit tout ce qu'il put pour modérer l'emportement des troupes, lui-même arracha à la mort plusieurs personnes, et entre autres une charmante jeune fille, Mademoiselle Angélique Desmélier, dont Kléber a dit que « jamais on ne vit de femme ni plus jolie, ni mieux faite, ni plus intéressante ». Note. Ce récit historique est emprunté à l'intéressant volume que M. Hippolyte Maze vient de faire paraître sous ce titre, « Le général Marceau, sa vie, sa correspondance, d'après des documents inédits ». Fin de la note. La famille Desmélier habitait la campagne, près Montfaucon. À l'arrivée des Républicains, elle abandonna sa maison pour se réfugier au Mans. Dans la terrible journée du 13, la jeune fille se retrouva séparée de sa mère et de tous les siens. Folle de douleur, elle voulait se faire tuer. Marceau la vit, eut pitié d'elle, la mit d'abord en sûreté, puis la conduisit à Laval, mais elle fut dénoncée comme ayant pris part au combat du Mans dans les rangs des Vendéens. Arrêtée, emprisonnée, elle périt sur l'échafaud. Marceau la pleura longtemps, désolée de n'avoir pu l'arracher une seconde fois à la mort. D'après une tradition touchante, l'infortunée jeune fille lui aurait légué la montre qu'elle portait avant d'aller au supplice. Peut-être n'y a-t-il là qu'une gracieuse légende, mais ce qui appartient à l'histoire, c'est la lettre dans laquelle Mademoiselle Desmélier raconte elle-même à sa tante sa rencontre avec Marceau et lui rend un hommage mérité. Voici le texte de cette lettre dont l'original appartient à M. Tesnik, propriétaire du château de la Treille, près Cholet. Que d'événements, que de malheurs me sont arrivés depuis que je vous ai vu. Vous savez que maman et sa famille habitaient à la campagne depuis plus d'un an. Nous y vivions tranquilles quand l'arrivée des Mayencés vint porter l'épouvante dans notre canton. On nous effraya tellement que ma mère se décida à abandonner sa maison. Les événements, les circonstances l'ont forcée de suivre une armée dont nous détestions les torts. Vous avez su comment l'armée républicaine a battu complètement les brigands. J'ai eu le malheur affreux d'être séparée de toute ma famille. Dans cette terrible déroute, je désirais la mort. Je n'ai trouvé que de la pitié parmi les troupes républicaines. Je me suis rendue au général Marceau. Il m'a traitée non seulement avec humanité, mais encore j'ai infiniment à me louer de son honnêteté, de sa générosité. Il m'a conduite à Laval, où, malgré l'attestation qui prouvait que je m'étais rendue volontairement, j'ai été conduite à la maison d'arrêt, où je suis depuis 3 jours. On m'a fait espérer que mon âge me mettait hors la loi. Je ne peux donc rien craindre pour mes jours. Mais, ma chère tante, j'ai tant d'autres sujets d'inquiétude. Que sont devenus ma mère, ma sœur, mes frères existent-ils? Vous qui avez tant d'amitié pour ma pauvre mère, combien vous serez touchée de son sort, quel qu'il soit, prenez pitié du mien aussi. J'implore vos bontés, votre amitié. Ne pourriez-vous pas me faire reconnaître? Votre titre de républicaine peut sûrement vous donner des droits. Je me jette dans vos bras, n'abandonnez pas, que je vous doive la liberté. Puissais-je aller vivre bientôt auprès de vous? Je n'ai dû mon salut, ainsi que bien d'autres, qu'à ma jeunesse. Elle a été respectée par le général bienfaisant qui m'a protégée. Privée de tous les biens, je ne possède plus rien. L'exposé de ma misère vous touchera sûrement, et j'ose compter sur l'assurance que réclame auprès de vous la fille malheureuse et innocente d'une mère chérie. Angélique Desmélier, 9 Nivose en 2. Adressez votre lettre au citoyen Paul à la maison d'arrêt de Laval. La générosité dont Marceau avait fait preuve aurait pu lui coûter la vie. On le dénonça comme coupable d'avoir donné un dangereux exemple en sauvant une Vendéenne et, peut-être eût-il été arrêté, condamné, si Bourbotte, bien inspirée cette fois, n'eût étouffé l'affaire. Dans plusieurs circonstances graves, les représentants du peuple lancèrent contre lui et contre Kléber les accusations les plus violentes. Il y répondait avec dignité, parfois avec hauteur, il ne se bornait pas à se justifier, il défendait son ami, il faisait ressortir ses grandes qualités. Au commencement de décembre, il le sauva peut-être de l'échafaud par une violente explication avec le prieur de la Marne. Ce fut surtout contre Rossignol que les deux héros eurent à lutter sans cesse. Il est curieux et triste de relire aujourd'hui le jugement que portait cet incapable et ce vantard sur de tels hommes, non content de contrarier leurs plans et d'annuler, à l'occasion, leur génie à force de stupidité, il ne cessait de les calomnier dans sa correspondance avec le ministre de la guerre et avec le comité de salut public. Il voulait bien convenir que Kléber était un « bon militaire », mais il le présentait comme « faisant métier de la guerre et servant la République comme il servirait un despote ». Quant à Marceau, c'était, d'après ce bon juge, un « petit intrigant » enfoncé dans la clique que l'ambition et l'amour-propre mayencé perdront. Rossignol ajoutait « Je l'ai suivi d'assez près et je l'ai assez étudié avec mon gros bon sens pour l'apprécier à sa juste valeur. » Il inquiète les patriotes avec lesquels il ne communique pas. À son gré, Kléber et Marceau étaient trop « concentrés », ne parlaient pas assez au conseil des généraux. En vérité, nous comprendrons sans peine les raisons de leur silence. Devant l'exubérance et l'ignorance des Léchelle et des Rossignols, ils n'avaient qu'à se taire, trop heureux qu'on leur permît parfois d'agir et de réparer les fautes commises. Ainsi étaient traités ces grands hommes qui travaillaient jour et nuit à sauver l'unité de la patrie. Ainsi devaient-ils disputer, à la fois, leur vie aux Vendéens et à l'échafaud. Fin de la section 54.